J'aime bien. Oh, les rockers là, on se calme. Hein. Les rockers. Attends. Jamais tout ça restera. On a vécu vécu bon moment, ni à rire comme des enfants. Je n'oublierai jamais tout ça, c'est pas vrai. On vécu de bon moment, et ni à rire comme. Wow. Ouais, on l'a fait. On a vécu tout ce qu'on. Thank you.